Sur la transversale présentée par Passion Soccer Boutique, Vaudreuil, Laval, Saint-Léonard, le choix des joueurs et partout au passionsoccer.ca. Sur la transversale avec Kevin Laramé, la seule émission entièrement dédiée à l'Impact de Montréal et au FC Montréal. Bonjour, bonsoir et bienvenue à Sur la transversale avec moi-même, Kevin Laramé, en direct de mon studio, chez moi. Grosse victoire pour l'Impact de Montréal, 3-0 sur la route contre l'Union de Philadelphie. Un résultat surprenant, oui, mais surtout une victoire encourageante. Deuxième victoire de suite pour l'Impact de Montréal, ce qu'on n'avait pas vu depuis un certain moment. C'est le temps aussi. Ce soir, l'Impact a fait un grand coup au classement, passé de la 9e au 7e rang, à 5 points d'Atlanta, en 6e place, la dernière place qui donne droit aux séries éliminatoires. L'Impact est maintenant dans le dernier droit de la saison régulière et l'Impact se retrouve maintenant seulement à 5 points de Atlanta, avec une chance dans les quelques prochains jours de rattraper Atlanta United. On va parler de ça dans quelques minutes, mais ce soir, le début de Samuel Piet avec l'Impact de Montréal, et quel début ce fut. On va garder notre calme, mais Samuel Piet pour l'Impact de Montréal a été probablement le joueur le plus impliqué ce soir. A été seulement quelques passes ratées, je crois, pour ne pas garder une fiche parfaite, mais durant la majorité de la première demi, il y avait tous ses passes complétées, tous les jeux à laquelle il se devait d'effectuer, il était présent, réussit à couvrir Cabrera ou Simon lorsque l'un ou l'autre s'avançait pour couvrir le ballon. Samuel était toujours où ce qu'il se devait être. Un jeu surprenant, un jeu que l'Impact avait besoin. Samuel Piet, pour moi, est le joueur du match de Montréal, même si Dimali se retrouve avec deux buts et un pénalty créé. On va revenir plus tard, mais l'histoire du match, pour moi, est l'implication, l'influence de Samuel Piet sur le jeu de l'Impact. Un Donadel amélioré, qui fait un petit peu plus d'interception, recouvrement de ballon. Samuel a une vision un petit peu différente, moins axée vers l'avant côté attaque, axée vers le mouvement de ballon, vers trouver une option à haute probabilité de succès. Et un jeu simple, dans le fond. Samuel garde le jeu simple. Et ce soir, ce jeu simple-là aide l'Impact à continuer à prendre le ballon, avoir une certaine possession du ballon, ou lorsqu'il n'y avait pas possession, Samuel pouvait briser le jeu, repartir le jeu, partir la contre-attaque de Montréal. Et Montréal, pour la première fois en quelques mois, c'est pas vrai, on l'a revu d'ici et là, mais ce soir, a bien joué le contre-attaque. Ce soir, l'Impact a réussi à absorber quand c'était le temps, quelquefois à la 12e minute avec une belle sortie d'Evan Bush pour contrer un jeu qui pouvait se retrouver dangereux dans la boîte. L'Impact a absorbé cette pression, a été vers l'avant ensuite et a créé des options. Ça manquait de fini. Oui, ça manquait énormément de finition pour l'Impact de Montréal jusqu'en deuxième demi, jusqu'au but de Blérim Dimali avec un excellent beau jeu de Daniel Lovitz. Daniel Lovitz, ce soir, un de ses bons matchs avec l'Impact de Montréal, ce natif de la Pennsylvanie, de Whitmore, à 54 km seulement du Talon Energy Center, comme on a pu entendre durant le match à TVA Sport par Frédéric Lard. Donc, Blérim Dimali était très bien placé, mais c'est Daniel Lovitz qui a fait le jeu. Daniel Lovitz, comme je disais, natif de la Pennsylvanie, était très motivé pour ce match. Il en donnait un petit peu plus. Ça serait le fun d'avoir toujours le cas, mais Dimali et Lovitz se sont retrouvés sur ce jeu-là. Oui, le centre de Lovitz, le centre à ras-le-sol de Lovitz, a été dévié par un joueur de Philadelphie, mais quand même, Dimali, bien placé, deuxième vague d'attaque, tir très puissant à ras-le-sol. McCarthy, le gardien substitut de Philadelphia Union. Malheureusement, Andrew Blake est ennuyé par une blessure. Malheureusement, heureusement pour l'Impact, c'est dur de marquer contre Andrew Blake. Et le fait que Dr. Dre n'était pas là ce soir a vraiment aidé l'Impact de Montréal durant cette victoire. Le penalty, évidemment. Dimani bien placé, se retrouve avec le ballon dans la boîte, seul. faire un crochet. Stéphane, un défenseur, se retrouve seul devant le gardien. Essaie de faire un crochet. Il manque. Dimali allait perdre possession. Mais McCarthy a montré son manque d'expérience sur le jeu. S'est mis dans les pieds de Dimali, a fait contact avec les chevilles de Dimali. Dimali, en demandait pas tant, tombe vers l'avant. L'impact, penalty, 2-0 Montréal. En fin de match aussi, on a eu le deuxième but de Dimali, qui était, comme je pourrais dire, un roulé suisse au poteau éloigné. Quelle enroulade du droit. On pensait qu'elle allait être un petit peu à l'extérieur du but, mais avec l'effet spin, vous ne voyez pas mes trémas que je fais, là, mais je fais deux trémas. Là. L'effet spin en tréma a été très efficace, a déjoué John McCarthy, et l'Impact se retrouve en avant 3-0 sur la route. Deuxième victoire de l'Impact sur la route cette saison. Deuxième victoire de suite après la merveilleuse victoire la semaine dernière à Montréal. Maintenant, mercredi. Mercredi, l'Impact joue contre Chicago. Et ensuite, samedi prochain, joue contre Real Salt Lake. Chicago a de la misère là, depuis quelques matchs. C'est le retour du balancier, vous diriez peut-être, oui, mais ce soir, Chicago a perdu 3-1 sur la route contre Columbus et se retourne sur la route encore à Montréal. Un calendrier chargé pour le Fire depuis quelques semaines. Et ensuite aussi, le Fire était très occupé à la maison durant le match, la pause match d'étoiles, recevant les étoiles de la MLS et Schweinsteiger et compagnie, Kapelhoff surtout. Nikolic n'est pas marqué pour un cinquième match de suite, n'est plus en tête de la MLS pour le nombre de buts marqués. David Villa a repris la première position avec 17 buts marqués, 16 pour Nikolic, qui n'a pas marqué depuis 5 matchs. Donc oui, ça peut être dangereux lorsqu'un marqueur, la trompe de Nikolic, est en slump et est en disette, se retrouve contre votre équipe à Montréal mercredi, ça peut être dangereux. Mais si on regarde, Chicago est une équipe prenable présentement. Donc l'Impact peut se retrouver à mercredi avec un match qui a de l'allure, avec un certain changement dans le dans l'effectif. Je ne serais pas surpris de voir un Daxon Hamel commencer et de voir un Bernardello si la forme peut le dicter, si sa santé le dicte. Donadel, je ne pense pas qu'il va être prêt pour mercredi. Donc je ne serais pas surpris de voir un Piet, un Bernier encore. Ça va être peut-être un Louis encore une fois aussi. Louis un petit peu plus avancé, par exemple. C'est ce que j'aime, la présence de Piet. Il a permis à Bernier de s'avancer un petit peu. Bernier a failli marquer aussi sur un tir d'environ 20 mètres, quelques mètres en dehors de la boîte. C'était, pour moi, un bonheur de voir un joueur remplacer Bernier psychologiquement un peu dans être le dernier avant le backline, dernier avant les défenseurs. Samuel était le dernier avec les défenseurs. Il était avec les défenseurs. T'as pas juste le dernier devant les défenseurs, il était avec les défenseurs, mais il était avec les milieux. Et ça, box-to-box, oui, mais lui, c'est un box-to-box du 6 mètres. C'est du 6 mètres du gardien de là. Jusqu'un petit peu plus que le mi-terrain, Samuel comme sentinelle, comme sweeper qu'on dirait en anglais, dans le jargon, très positif. Mais pour revenir au calendrier qui s'en vient pour l'Impact, et encore une fois, ça se retrouve extrêmement important. Le timing, on ne pouvait pas ne mieux l'écrire pour l'Impact, parce que Atlanta, qui est sixième au classement avec 35 points, ne joue pas mercredi, ne joue pas jeudi, ne joue pas vendredi, ne joue pas samedi, ne joue pas dimanche. Ne joue pas avant le 23 août 2017. Donc, il y a deux semaines que l'Impact, 11 jours, 2 matchs, 6 points. On est 5 derrière Atlanta. Donc, si vous comprenez bien ce que je dis, là, avec 2 victoires, l'Impact se retrouve 6e avec une place en série si les séries commencent demain matin. Ben, pas demain matin, mais... Mettons, dans une semaine, jour pour jour, si l'Impact gagne leurs 2 matchs, techniquement, sur les séries. Le 2 semaines, on n'aurait pas dit ça. Ce qu'on disait le 2 semaines, c'est que l'Impact se devait de coller des victoires. Et c'est ce que l'Impact est en train de faire et c'est ce que l'Impact a fait ce soir. Ça a commencé contre Orlando. Ça continue ce soir contre Philadelphie. Avec une victoire contre Chicago, la situation est rétablie et maintenant, on parle d'une équipe qui est en chasse pour une place en série. Une défaite contre Chicago à Montréal. L'Impact se retrouve toujours à 5 points d'Atlanta avec un match en moins de moins. Un match en moins de moins. Ce qui fait un match en plus. 2 négatifs, 1 positif. En tout cas. Mais donc, le calendrier est fait avec un les quatre prochains matchs pour l'Impact, je crois, à Montréal, ou en tout cas plus à Montréal qu'autre chose. Les deux prochains, en tout cas, c'est à Montréal. Chicago, Salt Lake. Deux équipes que l'Impact se peut gagner contre. Si un joueur comme Dimali montre encore ce qu'il est capable de faire ce soir, puis le pire, c'est que Dimali n'a pas connu un si bon match que ça. Dimali a fini quand c'était le temps, était bien placé quand c'était le temps, puis a créé un penalty quand c'était le temps. Oui. C'était pas son meilleur match, par exemple. Physiquement, en première demi, il commençait à montrer des signes de... Premièrement, il chialait contre l'arbitre toutes deux secondes. Il chialait contre les joueurs de l'autre équipe. Il montrait des signes, pas juste de fatigue, mais il se retrouvait une certaine frustration qui montrait toujours son désaccord avec les appels de l'arbitre, ou plutôt les non-appels de l'arbitre lorsqu'il y avait un tacle ou un jeu assez physique envers son endroit. Et on dirait que la Ligue au complet s'est donné le mot. Dimali est pas pire comme joueur. Il est pas mal bon. Donc, on vous conseille, si vous êtes capable, de le tacler fort. D'y aller assez fort, d'y mettre le crampon, si vous voulez. Donc, les joueurs, ils vont assez physique contre Dimali. Et c'est dur, c'est pas facile. Depuis son retour de sa pause d'environ 10 jours durant la Gold Cup, on voit pas le même Blérim. Mais ce soir, on a vu quelques moments du Blérim du début de son arrivée avec l'Impact du mi-mai. Mi-mai, on dirait que ça fait 6 mois déjà, c'est juste un mois et demi. Deux mois et demi, je sais pas compter en passant. Donc, Dimali avec ce soir, 2 buts, un pénalty créé. Penalty avec Piatti, je pense qu'il a retrouvé son mojo aussi. Penalty, sont très convaincants. Les derniers que Piatti a marqués étaient très convaincants. Ce soir, même chose. Oui, OK, le dernier penalty, le gardien avait touché un petit peu contre Orlando, mais il avait rentré quand même. Ce soir, il n'y avait aucun doute possible lorsque Nacho a touché au ballon. Ça s'est retrouvé dans le fond du filet. Mais la performance que je voulais parler ce soir aussi, on en parle depuis quelques semaines qu'il y a eu de la misère. On a même vu Crépeau faire ses débuts en Major League Soccer dans les quelques dernières semaines. Mais ce soir, Evan Bush n'a pas seulement gardé son beigne dans la colonne des buts marqués, donc un 0, donc un blanchissage, mais aussi a réussi à adapter sa défensive avec Piet, à trouver des nouveaux ajustements, à bien défendre des ballons dangereux aériens dans la boîte. Boxé à quelques reprises. Oui, il a ramassé sa pogne à un moment donné avec un coup de genou puis un coup de coude en même temps. Sa pogne était au sol, était au tapis pour quelques minutes. Mais il y avait une certaine confiance, une certaine agressivité sur le jeu d'Evan Bush ce soir, surtout sur les ballons aériens. C'est un jeu qui était dangereux contre Philadelphie. Parce que Philadelphie est une équipe qui est grande. Ils ont des grands joueurs. Ils ont des 6 pieds 8, des 6 pieds 3, des 6 pieds 4. En veux-tu, en v'là. Donc, c'est pas facile sur les jeux arrêtés, sur les phases de jeu arrêtées contre Philadelphie. Ça se retrouve que si tu te retrouves mal placé sur un corner, sur un coup de pied de coin, un coup de coup franc qui est fouetté dans la boîte, peut être dangereux, surtout quand tu as des 6 pieds 3, 6 pieds 4, pas l'autre équipe. L'Impact a bien géré cette situation-là. Il était capable de dégager ces ballons-là qui se retrouvaient dangereusement dans la boîte et Evan Bush a été très bon ce soir. Il n'a pas été très occupé dans les phases de jeu normales, mais sur les phases de jeu arrêtées, sur les ballons centrés dans la boîte, il y a eu quelques dangers. Il y a eu quelques jeux assez bizarres aussi, des jeux qu'on appelle des jeux ping-pong, que le ballon rebondit à quelques reprises dans la boîte. Personne n'est capable de mettre un ballon dessus. Finalement, il se retrouve sur le poteau. Philadelphie a fait égaliser à ce moment-là. Ensuite, que l'Impact a marqué ses 2 prochains buts. Mais c'est ce qu'on a vu ce soir. L'Impact a été capable de dicter le jeu sur la route. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. L'Impact est capable de dicter l'allure du match, de ne pas avoir peur d'avoir le ballon, pas avoir peur de jouer au ballon, même si l'Impact a mieux joué à la contre-attaque ce soir. L'Impact n'avait pas peur de tuer le match quand il fallait tuer le match. À la 75e minute et plus, lorsque l'Impact menait déjà au tableau, c'était 1-0, et l'Impact voulait arrêter toute chance de Philadelphie de faire une remontée, l'Impact gardait le ballon, l'Impact bougeait le ballon, l'Impact essayait de créer des opportunités, de monter le ballon, pas nécessairement de gaspiller le temps, mais de bien utiliser le temps de manière non dangereuse pour l'Impact et suffocante pour Philadelphie, que tu dans l'œuf toute possible confiance qui peut se créer. Le deuxième but a tué toute chance, et le troisième but, juste pour bien faire paraître le score, le pointage dans les arrêts de jeu de Dimali, c'était un beau roulé, ça. Je dois l'avouer, enroulé au but éloigné, là. C'était bien fait qu'il a frôlé le poteau en rentrant. C'est quelque chose qu'on pouvait pas espérer. une marque de 3-0. Et surtout, le coup au classement que l'Impact a fait ce soir. Donc, parlant du classement, regardons le classement un petit peu plus en détail. Ensuite, on va regarder les matchs qui s'en viennent cette semaine. Parce qu'on a une grosse semaine pour l'Impact de Montréal, quelques jours seulement de congé, retour au boulot parce que mercredi, Chicago est en ville avec Bastian Schweinsteiger. Nikolic est en disette, fait 5 matchs qu'il n'a pas marqué. Une équipe qui arrive avec des Johan Kapelhoff, qui est un excellent défenseur hollandais qui joue pour Chicago, qui a été présent durant le match des Étoiles, qui a été bien paru même. Un joueur qui a bien paru contre Real Madrid, c'est pas la moindre des choses. Et ça s'en vient cette semaine. Donc, regardons le classement dans la conférence de l'Est. Présentement, ça c'est le classement en direct live, samedi soir à 11h15. Okay? Toronto FC, 47 points, 24 parties jouées, 13 victoires, 3 défaites, 8 matchs nuls. 8 matchs nuls. Essayez de dire ça 10 fois de suite. Chicago Fire, 41 points, 23 matchs joués, 12 victoires, 6 défaites et 5 matchs nuls. New York City FC en 3e position, 40 points, 23 matchs joués, 12 victoires, 7 défaites et 4 match nul. Les Red Bulls de New York, 4e dans l'Est, 38 points, 23 matchs joués, 12 victoires, 9 défaites et 2 matchs nuls. On se retrouve avec le Crew de Columbus, 5e dans l'Est, avec leur victoire de ce soir, 35 points, 25 matchs joués, 11 victoires, 12 défaites, 2 matchs nuls. Et maintenant, Atlanta, en 6e position, dernière position qui donne hypothétiquement le droit aux séries lorsque la saison sera terminée. Atlanta United, 35 points, égalité avec Columbus, mais à cause du nombre de victoires, Columbus se retrouve 5e. Atlanta, encore une fois, 22 matchs joués, 10 victoires, 7 défaites, 5 matchs nuls. Le premier bris d'égalité dans le classement de la MLS, c'est le nombre de victoires. Ensuite, c'est le différentiel de buts. Ensuite, le nombre de buts marqués. Ensuite, je pense que c'est le nombre de buts accordés. Et ensuite, c'est le tir au sort. En passant, si vous posez la question, on a rarement vu les occasions que ça se peut tirer au sort. Ça passe et proche l'année passée. Atlanta United, encore une fois, donc l'Impact est seulement à 5 points d'Atlanta United. Et c'est là que ça devient intéressant pour l'Impact. S'ils peuvent continuer sur leur lance 2 victoires de suite pour l'Impact de Montréal. 7 buts marqués en 2 matchs. Pour une équipe qui trouvait pas le. Pour une équipe qui a de la misère à avoir un Mancoso qui marque, le supposé numéro 1 attaquant de l'Impact de Montréal qui a de la misère à marquer un but cette année, pas assez proche, je dois avouer, une belle frappe en fin de match, cadré, environ 20 verges, qui a passé extrêmement près, bel arrêt de McCarthy, vraiment l'arrêt du match. De ce match-ci, c'était cet arrêt de John McCarthy. À ne pas confondre avec Big John McCarthy. Non, ce n'est pas un arbitre de la UFC, mais on parle de John McCarthy, l'émule de Peter Cech avec le Philadelphia Union. Oui, parce qu'il porte un même genre de casque que Peter Cech. Il ne se ressemble pas même, mais tout le monde se ressemble quand on porte un casque à la Peter Cech. L'Impact de Montréal, 7e au classement. 30 points, 22 matchs joués. Donc, même nombre de matchs qu'Atlanta. Oui, Atlanta va avoir des matchs en main après la semaine prochaine, mais l'Impact se retrouve avec une possibilité de gagner des matchs tout de suite. Mais l'Impact a 3 matchs en main sur le Crew Columbus. Fait que autant Atlanta est important à garder un œil dessus parce qu'ils sont seulement une position en haut de l'Impact et 5 points. Le Crew aussi. Le Crew, 25 matchs joués, 3 matchs en main. L'Impact a 3 matchs en main sur l'équipe de l'Ohio. Il suffit qu'il gagne 1,5% des points de ces 3 matchs-là, ce qui serait 4 environ, mettons 4 points. L'Impact pourrait se retrouver très près de Columbus. S'il suffit qu'il gagne mercredi et samedi, la question, mais il n'y en a plus. On se retrouve maintenant avec les équipes qui chassent l'Impact et le reste du classement dans l'Est. En 8e position, Orlando, 30 points, 24 matchs joués, 8 victoires, 10 défaites, 6 matchs nuls. C'est pas facile pour Orlando et c'était pas facile ce soir non plus. Pour Orlando, si on regarde les résultats des matchs ce soir rapidement, le Red Bulls 3, Orlando 1 au Red Bull Arena. C'est dur de jouer au Red Bull Arena. Parlez-en à l'Impact. Ils s'en rappellent encore là, 2 semaines, mais Orlando s'est retrouvé avec une autre défaite. Très difficile pour Orlando et on va voir si l'acquisition de Dom Dwyer fait vraiment une grande différence. Mais Orlando, Ils ont eu un très bon début de saison. T'es l'équipe en feu, littéralement, après ce match. Je pense qu'il était 6-0 et 1, quelque chose comme ça. Mais c'est pas nécessairement facile depuis que Kaká est revenu dans le portrait. Donc, est-ce que c'est coïncidence? Est-ce que Kaká demande trop d'importance sur le terrain pour les résultats qu'il peut créer? Bonne question. On se retrouve maintenant avec la 9e position dans l'Est, les Lions de Philadelphie. Encore une fois, 29 points. 24 matchs joués, 8 victoires, 11 défaites, 5 matchs nuls pour l'Union. On dit-tu l'Union ou l'Union? Sérieux, qu'est-ce que vous préférez? Laissez-moi savoir dans les commentaires en dessous du vidéo ou évidemment sur les réseaux sociaux, en commercial Kev Laramé. Qu'est-ce que vous préférez? L'Union de Philadelphie ou l'Union de Philadelphie? Ou l'équipe qui a le plus laid chandail de la ligue? Ça peut être, je peux les appeler comme ça, ça, il n'y a aucun problème. L'équipe avec le chandail le plus laid de la Major League Soccer, en 9e position, avec 29 points. L'équipe la plus anonyme de la MLS maintenant, en 10e position dans l'Est, le Revolution du New England, 29 points, 23 matchs joués, 8 victoires, 10 défaites et 5 matchs nuls. Si vous remarquez, là, 7, 8, 9, 10, ils ont toutes 8 victoires. Ça se joue dans les matchs nuls, ça se joue dans les buts accordés et ça va jouer dans le différentiel à la fin de l'année sûrement. Donc, l'impact en parlant différentiel, c'était pire que ça. À un certain point, l'impact de l'équipe qui avait concédé le plus de buts dans la Ligue, maintenant, c'est un petit peu résolu. L'impact se retrouve avec un différentiel de seulement moins 2. Oui, encore beaucoup de buts concédés. 37. La majorité des équipes, c'est autour de 30. 43 aussi, DC United. Mais DC United, c'est l'équipe qui est en bas de classement et pour le reste de la saison. DC, c'est la nouvelle Chicago Fire. C'est la nouvelle équipe qui boucle la table. C'est la boucle du classement. C'est le point à la fin de la phrase. DC United 11e dans la cave. Dans la pénitence, couche dans la cave, puis parti comme c'est là, je sais pas c'est quand qu'ils vont sortir de la cave. Pas sûr que 2018 va être mieux. Hein. Oui, ils ont fait des gros échanges. On va voir si ça va porter fruit, mais DC, 11e, 19 points, 23 matchs joués, 5 victoires, 14 défaites, 4 matchs nuls. Ils ont plus que 50% de leurs matchs que c'est des défaites. Posez-vous pas la question pourquoi ils sont 11e dans l'Est. Bon, les matchs qui ont rapport avec l'impact cette semaine dans la Ligue aussi. On parlait d'une semaine très occupée dans la Major League Soccer. Donc oui, il y a la finale de la US Open Cup. FC Cincinnati contre les New York Red Bulls le 15, mais ça, c'est une histoire pour un autre jour. Mais oui, l'équipe de la USL, FC Cincinnati, qui s'est rendu loin et qui va jouer contre les Red Bulls pour le Lamar Hunt US Open Cup, si je ne me trompe pas. C'est une demi-finale ou finale. Ça, il est rendu tard. Puis la US Open Cup, c'est pas ce que je suis de plus. Mais le 16 août, Major League Soccer, Montréal-Chicago. Red Bull contre Portland le 18, c'est pas vraiment intéressant. Mais Montréal, encore une fois, contre Real Salt Lake le 19, c'est peu gagné. Un match qui est très important pour l'impact, Columbus-Orlando. Deux équipes directement en bataille avec l'impact pour une position classement. Laquelle des deux équipes qu'on veut qui gagne? On aimerait bien ça que ça finisse 0-0. Un point chaque bord, mais pas même but. L'impact gagne contre Chicago-Real Salt Lake, c'est même pas un problème. L'autre match qui peut être très important, Toronto pourrait solidifier son emprise sur le bouclier des supporters, mieux connu sous le nom de Supporter Shield, qui est le trophée remis à la meilleure équipe de la saison régulière en Major League Soccer. Toronto s'en va à Chicago, au Toyota Park, on va le dire, là. C'est pas à Chicago, c'est loin de Chicago, ça prend environ 41 minutes de train facilement pour se rendre à Bridgeview, au Toyota Park. Puis en passant, c'est pas facile de se rendre au Toyota Park. Ça nous a pris un Uber, une longue ride de train, puis un autre Uber. Fait que deux Uber au carré, puis un train. Une heure plus tard, on était rendu au Toyota Park. C'est loin. Donc, c'est un match important pour le bouclier des supporters. Mais à part ça, vraiment, le match que vous voulez vraiment garder un œil, c'est la semaine prochaine. C'est le 19. C'est samedi prochain. Orlando-Columbus. Le même soir que Montréal-Salt Lake. Mais, pour finir l'émission ce soir, on se rappelle la belle victoire de l'Impact 3-0. On se rappelle que l'Impact joue mercredi contre Chicago, contre Bastian, contre Nikolic, l'entraîneur Valko Panovic, David Akam, Kapohoff et compagnie seront à Montréal mercredi pour jouer contre votre impact. Et jusqu'à mercredi, justement, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux à commercial Kev Laramie, K-E-V-L-A-R-A-M-E-E. Sur Facebook, vous pouvez me trouver Kev Laramie aussi. Kevin Laramie, vous cherchez, vous me trouvez. Je suis partout. Vous pouvez écouter l'émission sur iTunes, Stitcher, Feedburner, n'importe quelle application de podcast, vous allez retrouver sur la transversale et sur le sportspodcastingnetwork.com aussi en version sur demande. Un gros merci à Passion Soccer Boutique qui vous présente l'émission encore une fois aujourd'hui. Toujours ouvert au passionsoccer.ca, meilleur endroit pour avoir vos chandails de pratique, chandails de game, équipements de jeu, culture, lifestyle, plus beau, souliers de soccer en province, en ville, partout. Vaudreuil, Laval, Saint-Léonard, passionsoccer.ca. Et jusqu'à la prochaine fois, mercredi soir, en direct du stade et en retour en studio aussi, mais jusqu'à mercredi, ben, je vous souhaite un bon soccer.